Les deux aveugles de 1525 par Frédéric Saulier. Déjà l'hospice des 1520 n'était plus ce qu'il avait été. Lorsque Saint-Louis le fonda, ce fut plutôt pour acquitter une dette que pour créer un établissement de bienfaisance. Les premiers aveugles que reçut l'hospice des 1520 furent 300 chevaliers laissés en otage au Soudan d'Égypte et que le Soudan renvoya au roi de France après leur avoir fait crever les yeux. C'est une chose digne de remarque que cet hôpital ouvert aujourd'hui à la misère des gens du peuple ait reçu d'abord 300 habitants nobles, que cette maison dont l'œuvre de charité se renferme parmi la population pauvre de Paris doive son origine à la guerre que nous avions portée sur la côte d'Afrique et à des malheurs qui avaient frappé si loin et si haut. Les 1520 furent, à vrai dire, les Invalides de Saint-Louis. 3 siècles n'étaient pas écoulés que la trace de cette origine était complètement effacée et que les 1520 étaient un hospice où on était reçu pour cause d'infirmité. Bien qu'il eût renfermé 300 frères ou sœurs, il n'y avait déjà plus 300 aveugles. La population des 1520 se composait de 252 frères aveugles et de 60 frères voyants pour les aider, les mener et les conduire. Plus de 88 femmes, tant aveugles que voyantes. Chacun était obligé d'y apporter une espèce de dot et de faire abandon de ses biens en entrant dans la communauté. Toutefois, il y avait des frères et des sœurs qui pouvaient posséder en dehors quelques propriétés mobilières ou immobilières, et de même, il existait des frères ou des sœurs qui avaient seulement été admis par charité et sans rien apporter à la communauté. Parmi ceux-ci, nous trouvons Jean des Amures, fils de Robert des Amures, pionnier, Morambi dans les terres des Douves, les fossés de la ville, et Pierrette le Noir, orpheline, tous deux aveugles. À cette époque, il y avait dans cette maison un portier voyant, ainsi que l'exigeaient les règlements, appelé Mathurin Seguin. Il y avait de même une sœur voyante nommée Nicole Petitpied, employée au raccommodage et bonne tenue du linge de la maison. Or, c'était un samedi du mois de juillet 1525, Nicole et Pierrette travaillaient dans une grande chambre où elle reprisait les chemises qui devaient être distribuées le lendemain aux frères. Quoique aveugle, Pierrette était fort adroite, et quand son aiguille avait passé sur un accroc ou sur un trou, l'œil le plus exercé eût découvert difficilement la reprise qu'elle y avait faite. Aussi était-elle spécialement chargée du linge des jurés et administrateurs de la maison. Le soir était venu, le jour était tout à fait tombé, Nicole avait renvoyé les sœurs voyantes qui travaillaient avec elle, mais au moment où Pierrette allait les suivre, Nicole l'avait retenue en lui disant « Tiens, raccommode-moi encore cette chemise. »« Mais le jour est fini, » dit Pierrette. « C'est pour cela que je ne puis le faire moi-même, » dit Nicole, « au lieu que pour toi le jour ne finit jamais. »« Oui, Ida, » répondit Pierrette, « parce qu'il ne commence jamais, n'est-ce pas ? Mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Toutes nos sœurs sont à se promener et à jouer sous les ormes de la grande cour. Je vais aller avec elles. »« Je t'en prie, » continua Nicole, « cela ne sera pas bien long et tu me feras grand plaisir. » « Mais à qui donc est cette chemise ?» dit Pierrette. « Elle est de plus fine toile que celle même des jurés et administrateurs. » En parlant ainsi, elle cherchait au col la marque distinctive du linge de chaque frère. Puis, lorsqu'elle l'eut trouvé, elle se mit à sourire doucement et dit à Nicole, « C'est donc pour lui ? J'ai reconnu sa lettre ?»« Oui, » repartit Nicole, « c'est pour Jean des Masures. C'est le linge qui lui vient de son oncle, le marchand de ferraille, et comme tout le monde est jaloux ici de le voir plus pimpant et mieux vêtu que les autres, on laisse toujours son linge le dernier, de façon qu'il est obligé de mettre les grosses chemises de l'hospice, et Jean en est tout chagrin. « Et toi, tu l'aimes tant, » reprit Pierrette, « que tu me ferais travailler toute la nuit, pour que Jean des Masures ne soit pas chagriné. » « Tu sais bien que je travaillerais moi-même si on nous permettait d'avoir de la lumière. » Quand le jour est fini, tu es bien heureuse, toi, de n'avoir pas besoin d'y voir clair. Si tu l'aimais, tu pourrais travailler pour lui tant que tu voudrais. Oh, souvent j'aurais désiré être comme toi, si les règlements ne défendaient pas une sœur aveugle d'épouser un frère aveugle. Tu comptes donc l'épouser, dit Pierrette. Oui, vraiment, dès qu'il aura fini sa première année, car il n'y a que 3 mois qu'il est dans la maison, il faut que j'attende que son novitiat soit achevé. Il est singulier que je ne l'ai jamais rencontré. Oh, si tu l'avais rencontré, tu l'aurais remarqué tout de suite, tant il est beau et brave. « Allons, allons, » dit Pierrette, avec une grâce naïve. « Je verrai bien s'il est bien, au mal que m'en diront les frères voyants. Mais tiens, voilà la chemise raccommodée. Nous pouvons descendre dans la cour. » Maintenant, dis-moi, Mathurin Seguin est-il beau, lui ? Mathurin ? Dit Nicolas riant, c'est le plus vilain louchon que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ça, un louchon ? Dit Pierrette. C'est un homme qui a les yeux de travers. Hélas, fit doucement Pierrette, ça vaut encore mieux que ne pas en avoir du tout. Les deux sœurs descendirent et allèrent continuer leur conversation dans la cour plantée d'ormes qui servait de promenade commune. À un certain moment, elles passèrent devant la grande porte fermée d'une double grille selon l'ordonnance, et Nicole serra vivement le bras de Pierrette en lui disant « Le voilà !» comme si l'aveugle avait pu voir celui qu'elle désignait ainsi. Le même mouvement eut lieu sur le banc de pierre où Jean des Masures était assis près de Mathurin Seguin. Et celui-ci dit de même en voyant passer les deux jeunes sœurs « La voilà !»« Qui ça ?» dit Jean. « Et par Dieu, Pierrette, qui est si jolie et si gracieuse !»« Tu me parles toujours d'elle !» C'est que je l'aime comme un fou. Elle a une taille si droite, un teint si blanc et si frais, de si beaux cheveux blonds, et lorsqu'elle marche et qu'elle tend son pied ou sa main pour tâter l'endroit où elle se trouve, cette main si blanche et si potelée, ce pied si mièvre et si petit que j'ai envie de les prendre et de les embrasser. » À cette brûlante déclaration de Mathurin, Jean se prit à rire et le portier reprit avec humeur. « C'est que tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer, toi. » Ma foi, si je voulais écouter la sœur Nicole, je le saurais bien vite, car elle me dit sans cesse, quand elle me rencontre par hasard, que je suis en âge de me marier. Oh, le petit laidron, dit Mathurin, elle a bien fait de venir dans une maison d'aveugles, pour attraper un mari, car jamais elle n'en rencontrera un parmi les hommes qui ont de bons yeux. Elle est donc bien laide. Elle est jaune comme un citron et elle a des cheveux rouges. Mais on dit que le rouge est une si belle couleur. Les cardinaux sont en rouge, messieurs du Parlement sont en rouge. C'est bon pour une robe, le rouge, mais pour des cheveux, c'est autre chose. Et c'est là tout ce que tu as à me dire ? Non pas. Il faut que tu me rendes un service. Et lequel ? Il faut que tu lui parles pour moi. Tu es mon ami, toi, et tu lui diras que je suis un brave et beau garçon. Mais où pourrais-je la trouver ? Ici, à l'heure de la promenade. Mais je ne pourrais pas la reconnaître, je n'ai jamais entendu sa voix. C'est demain dimanche. Monseigneur l'archevêque doit venir visiter la maison. Il y aura un sermon. Et après le sermon, un grand dîner, pendant lequel on chantera des cantiques. Pierrette chantera du côté des femmes, et tu la distingueras facilement à sa douce petite voix. D'ailleurs, je ferai en sorte de me faire remplacer à la porte. Je me mettrai à côté de toi, et je t'avertirai quand elle chantera. Après ces paroles, chacun se retira. Et il est probable que la conversation de Pierrette et de Nicole avait eu le même but que celle de Jean et de Mathurin, car la jeune sœur aveugle dit à la lingère en la quittant « Eh bien, soit, demain je lui parlerai. » Le lendemain venu, ce fut grande fête dans la maison, car Monseigneur l'archevêque apportait le pardon de toutes les fautes commises. Comme représentant de Dieu, il amenait l'indulgence avec lui, et c'était la plus belle part de royauté que les prêtres aient jamais possédée sur la terre. Le sermon de ce dimanche fut meilleur et plus long que celui de tous les autres dimanches. Beaucoup de personnages d'importance assistaient à la cérémonie, et Monseigneur l'archevêque désira faire quelque chose qui leur fût agréable. Il fit donc appeler près de lui un des six gouverneurs de la maison, notable bourgeois, selon le vœu de l'ordonnance de 1522, et lui dit qu'il serait bien aise que le pain béni fût présenté par les deux plus jeunes aveugles, hommes et femmes, de l'établissement. Il se trouva que c'était à Jean et à Pierrette que revenait ce soin, et deux jurés allèrent les chercher séparément chacun leur banc, et on leur remit une belle corbeille couronnée de fleurs, qu'ils allèrent présenter à tous les endroits qu'on leur avait désignés. Ni Jean ni Pierrette n'avaient prononcé une parole durant ce service, et comme on leur avait dit tout simplement « faites ceci, faites cela », ils ne savaient rien, sinon qu'ils étaient deux aveugles portant le pain béni. Mais lorsqu'en allant à travers l'église pour arriver au premier banc, ils entendirent le murmure flatteur qu'ils excitaient, ils furent tous surpris. Leur oreille, habituée à percevoir les paroles les plus fugitives, déroba par-ci, par-là, au bruit sourd et discret de cette admiration, des mots comme ceux-ci, qu'ils sont beaux tous deux, qu'ils sont intéressants, quel malheur qu'ils ne puissent se voir, ils s'aimeraient. À cette dernière exclamation, le panier qu'ils portaient tressaillit entre eux, car chacun l'avait doucement agité par un mouvement involontaire. Ce fut un trouble encore bien plus grand, quand ils arrivèrent au siège des dames et des seigneurs, qui s'étaient rendus à l'invitation de Monseigneur l'archevêque. « Mais voyez donc quel charmant visage à ce jeune homme !» dit une voix de femme, et une voix d'homme répondit « J'aime mieux garder mon admiration pour cette belle fille. Quels cheveux noirs, admirablement bouclés, Quels cheveux blonds doit avoir et sans doute à toucher, qu'il a l'air charmant, qu'elle a l'air gracieuse. Et tous deux, confus et rouges de pudeur et de joie, continuèrent en portant haut le front leur embarras et leur modestie. Car un aveugle qui rougit ne baisse point les yeux et ne détourne point la tête. Puis, quand tous deux eurent fini leur service et allèrent déposer le panier dans la sacristie, ils se dirent tout à coup « Vous êtes Pierrette, n'est-ce pas ? Et vous, Jean des Masures ? Pierrette, j'ai à vous parler. Moi aussi, Jean. » Le dîner arriva à son tour et chacun d'eux se trouva assis à côté de son ami. Pierrette près de Nicole, Jean près de Mathurin. Toutefois, par une retenue que rien n'explique, que ce qui est inexplicable, c'est-à-dire l'instinct du cœur, cette perception suave qui fait parler l'âme à l'âme en un langage qui n'a pas besoin de paroles pour être entendu, par cette retenue merveilleuse des gens qui se font en secret à deux sans s'avertir de se taire, ni Jean, ni Pierrette ne dirent à Mathurin et à Nicole qu'ils se connaissaient déjà. Mais lorsque Jean se mit à chanter, Pierrette dit tout bas à Nicole « Le voilà, n'est-ce pas ?» Et de même, quand Pierrette chanta, Jean dit à Mathurin « La voilà !» Tous deux avaient maintenant les yeux de l'oreille pour se reconnaître. Puis les chants cessèrent et ils ne se virent plus. Le silence, c'était leur nuit. La promenade vint enfin. Et Nicole et Mathurin conduisirent chacun leur confident l'un vers l'autre. Il n'était point Jean à remarquer que tous deux se taisaient. Oh, que Pierrette se serait bien gardée de parler, quoique souvent elle s'en allât en chantant gaiement. Avertir ainsi Jean de sa présence eût été l'appeler. Et quelle jeune fille ose faire un signe d'intelligence à l'homme qui, pour la première fois, la trouble dans son âme et qui lui fait mettre la main sur le cœur en disant « C'est singulier, je suis tout oppressé. » De son côté, Jean eut craint de manquer de respect à Pierrette en lui montrant qu'il l'attendait, car le respect est le premier hommage d'un amour jeune. Heureusement pour eux, Jean et Nicole étaient là pour les réunir. Le portier et la lingère s'abordèrent pour se parler, et la première fois de leur vie, ils se trouvèrent d'accord pour laisser Pierrette et Jean ensemble. Les autres enfants furent d'abord bien embarrassés de ce qu'ils avaient à se dire. La commission dont on les avait chargés était loin d'eux. Leur cœur leur en avait donné une bien plus importante et plus pressée. Cependant, il fallut y revenir. Ces deux pauvres existences, frappées de la même douleur, comprirent qu'elles ne pouvaient s'appuyer l'une sur l'autre, et les pauvres aveugles pensèrent qu'il valait mieux qu'elles fussent confiées à des mains amies qui pourraient les soutenir. D'ailleurs, ils ne seraient pas tout à fait séparés. Nicole parlerait de Jean à Pierrette, et Jean entendrait l'éloge de Pierrette dans la bouche de Mathurin. Cependant, ce fut Jean qui commença. « Ma sœur, dit-il, tout le monde vous aime dans la maison, il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout le monde. » Pierrette devint toute tremblante et eut à peine la force de demander qui l'aimait ainsi. « C'est Mathurin Seguin, répondit Jean, et il est bien heureux de vous aimer, car il dit que vous êtes si belle et si bonne. « Ah, dit Pierrette, c'est Mathurin qui m'aime ainsi. » Et son visage prit un air de tristesse que Jean ne vit pas. « Oui, continua-t-il, Mathurin vous aime et il veut vous épouser. Et il vous a chargé de me le dire, reprit Pierrette d'un ton piqué. Eh bien, on m'a chargé aussi de vous dire la même chose. Nicole vous aime et serait bien aise de vous épouser. Nicole, reprit Jean, c'est votre amie, n'est-ce pas? Oui, alors elle doit être bien bonne et bien belle. Dame, je ne l'ai pas vue et je ne puis pas en répondre plus que vous de Mathurin. Ils se turent un moment, puis après ce silence, Jean reprit tout à coup. Mathurin m'a dit que Nicole était bien laide. Nicole m'a dit que Mathurin n'était pas beau, qu'il est heureux d'avoir des yeux pour voir. Elle est bien heureuse aussi. Ils cessèrent encore de parler et Jean reprit après un assez long temps. Est-ce que vous aimez Mathurin? Est-ce que vous aimez Nicole? Ni l'un ni l'autre ne répondirent, nouveau silence interrompu encore par Jean. Eh bien, que faut-il que je réponde à Mathurin? Eh bien, que dirais-je à Nicole? « Dites-lui que je vous aime, » répondit Jean, comme si cette parole lui eût échappé du cœur. « Oh mon Dieu, taisez-vous » s'écria doucement Pierrette en s'approchant de Jean. « Je les entends qui nous suivent. S'ils nous avaient entendus, ils nous empêcheraient de nous reparler. » La cloche sonna, et les deux jeunes aveugles furent forcés de se séparer. Ils s'entendaient déjà si bien que tous deux mentirent chacun de ce côté en disant l'un à Mathurin, l'autre à Nicole. « Il faut que je lui parle encore. » On ne peut pas tout dire le premier jour, mais je serai plus à mon aise demain. » Et comme Nicole et Mathurin parlaient sans relâche de celui de celle qu'ils aimaient, les deux jeunes aveugles les écoutaient avec une attention merveilleuse. il faisait des questions pour se faire répondre, et ne pouvant le savoir, ils se regardaient par les yeux de leur confident. Cela dura ainsi plusieurs mois, et lorsque Mathurin et Nicole s'impatientaient de ne pas voir leurs affaires plus avancées, malgré les entretiens fréquents qu'ils procurent à leur jeune confident, il y avait longtemps qu'il n'était plus question d'eux dans ces entretiens et que Pierrette et Jean s'étaient jurés de s'aimer toute la vie. Il arriva enfin une circonstance qui fit tout découvrir. Un jour, le seigneur des Haudriers vint visiter la maison des 15-20. C'était un homme libéral et qui, voulant laisser des traces de sa visite dans l'hospice royal, annonça qu'il donnera une dot à un frère aveugle et une autre dot à une sœur aveugle pour que le premier épousât une sœur voyante et la seconde un frère voyant. Il se fit présenter tous les aveugles de la maison et son choix tomba sur Pierrette et sur Jean. Le lendemain, le premier des 6 gouverneurs fit appeler les 2 jeunes gens et leur apprit le bonheur qui leur était arrivé, en les engageant à faire un choix et en leur désignant Nicole à Jean, Mathurin et Pierrette. Car lorsque le portier et la lingère avaient appris cette bonne fortune, ils s'étaient empressés de se mettre sur les rangs. La manière brusque dont cette nouvelle fut apprise aux jeunes aveugles ne leur permit pas de répondre, mais lorsqu'ils se trouvèrent seuls, ils marchèrent silencieusement l'un près de l'autre, craignant de s'interroger. Enfin, arrivés au bout du couloir où ils devaient se quitter, Jean arrêta Pierrette. « Vous n'avez donc rien à me dire ? Ni vous non plus ? Oh, moi, vous savez bien que je n'épouserai pas Nicole. « Vous croyez donc que je vais épouser Mathurin ? Non, je ne le croyais pas, mais j'attendais que vous me l'eussiez dit. « Vous refuserez donc ? Oui, mais que deviendrons-nous ? Eh bien, reprit la jeune fille, nous resterons frères et sœurs. Nous nous aimons pourtant assez pour qu'on nous marie. Vous savez bien que le règlement défend de marier 2 aveugles. Oui, mais cela ne les empêche pas de se marier s'ils le veulent, à condition qu'ils quitteront la maison. Ne pouvons-nous pas vivre ailleurs ? Nous, pauvres gens aveugles, nous nous perdrions hors de cette maison. Est-ce qu'on se perd quand on reste toujours ensemble ? C'est impossible, dit Pierrette. Jamais, je n'oserai jamais. » Elle s'éloigna rapidement, et Jean se trouva seul avec Mathurin, qui s'était mis sur leur passage pour apprendre le résultat de leur conférence avec l'administrateur. Mathurin fit une rude querelle à Jean, et courut sur le champ dénoncer cet amour au chapitre de la communauté. Cela fit grand tapage, car la donation du sieur des Haudriers était subordonnée au mariage des 2 aveugles, et la communauté s'appauvrissait d'autant par leur refus. On tenta tous les moyens pour décider les 2 amants. On leur montra qu'ils ne pouvaient être mariés. Ils répondaient « Nous nous aimons ». On leur disait qu'ils étaient à charge à la communauté et qu'il était indigne à eux de la priver d'un bien si considérable. Ils répondaient « Nous nous en irons ». Alors on espéra vaincre leur obstination en les séparant. Jamais ils ne se rencontraient plus dans les cours ni au réfectoire. Il n'y avait qu'à l'église où ils étaient ensemble, mais loin, bien loin l'un de l'autre. Et cependant, ils s'entendaient. Ce n'était plus à Dieu que leur voix envoyait le serment d'une foi éternelle, c'était à eux-mêmes, et tous deux, en sortant de l'église, se sentaient plus forts et plus joyeux. Cependant, un dimanche vint où Pierrette n'alla pas à l'église. La pauvre enfant était malade, mais on ne le dit point à Jean. Et on lui donna plutôt à entendre qu'elle était décidée à épouser Mathurin et qu'il ferait bien d'imiter son exemple. Le désespoir de Jean fut horrible, car il eut la faiblesse de croire ce qu'on lui disait. Pourtant, avant de prendre un parti, il se résolut d'attendre le dimanche suivant pour voir si on annoncerait au prône le mariage de Pierrette Lenoir. Hélas, c'est ce qui arriva. Mathurin avait soufflé cette infâme ruse au premier administrateur qui trompa le curé. Mathurin disait que Jean épouserait Nicole s'il était sûr de l'abandon de Pierrette, et il prétendait qu'ensuite la jeune fille ferait de même. Pour mieux assurer le succès de ce complot, on employa le même moyen contre Pierrette que contre Jean. On l'éloigna de l'église, et le dimanche suivant, on annonça devant Pierrette le mariage de Jean et de Nicole. On fut obligé d'emporter la jeune fille. Tous deux, se croyant trahis, se résolurent à céder aux instances des administrateurs. Le 3e dimanche, ils étaient tous deux à l'église. Ils se reconnurent à leur chant, mais leur chant ne se parlait plus. On publia les derniers bans, et tous deux entendirent que ni l'un ni l'autre ne démentaient ce qui était annoncé. Le sieur des Haudriers ayant appris que ses protégés avaient accepté les dots qui leur avaient été données, voulut assister à la cérémonie et demanda qu'elle s'accomplisse le même jour. Les administrateurs prirent leurs précautions pour que tout se passât à leur gré. et durant tous les préparatifs, les deux jeunes gens furent tenus éloignés l'un de l'autre. Mais le moment vint où les quatre fiancés s'approchèrent ensemble de l'autel et Pierrette et Jean se sentirent marcher l'un près de l'autre. Si tous deux avaient pu voir leur démarche chancelante et leur figure pâle, ils auraient compris qu'on les avait trompés, mais les malheureux ne voyaient point et n'osaient parler. Ils étaient déjà agenouillés, n'ayant plus ni force ni courage. Le prêtre demanda à Mathurin Seguin s'il voulait épouser Pierrette Lenoir et Mathurin répondit « Oui ». Il demanda ensuite à Pierrette Lenoir s'il voulait épouser Mathurin Seguin. Elle ne répondit pas, et comme le prêtre, étonné de son silence, allait renouveler sa question, Jean, emporté par sa douleur et sa colère, s'écria « Répondons, Pierrette, veux-tu épouser Mathurin ?»« Puisque tu le veux, » dit Pierrette en éclatant en sanglots. « Moi ?» s'écria Jean, et guidé par son amour, il s'élança vers Pierrette en criant « Non, je ne le veux pas, je ne veux pas épouser Nicole, c'est toi que je veux épouser. » On s'imagine facilement le scandale que causa une telle scène dans l'église. On entraîna les quatre mariés dans la sacristie, et là, on les accabla des plus vifs reproches. Mais Pierrette et Jean étaient ensemble, ils étaient forts l'un de l'autre, et ils déclarèrent fermement qu'ils ne consentiraient point à se séparer. « Sortez donc de cette maison, » leur dit l'administrateur, « vous êtes indignes de mes bienfaits. » Et tout aussitôt, sans leur permettre de rentrer dans l'hospice, on les chassa honteusement. Ils traversèrent ainsi toute l'église, la main dans la main, au milieu des murmures et des blâmes qu'on leur jetait de tous côtés. Ce n'était pas ainsi qu'ils y avaient marché ensemble la première fois. Ils s'en allaient pleurant et s'humiliant, car ils n'avaient espérance en personne, ni en eux-mêmes. Pauvres aveugles, qu'allaient-ils devenir? Heureusement, Dieu inspira au sieur de Audry de réparer le mal qu'il avait fait. Il apprit la vérité, et quand il sortit de l'église, il trouva les deux enfants debout sous le portail, ne sachant où aller, inaccoutumés à implorer la charité publique, et se tenant par la main, sans oser même se parler devant une foule de mendiants qui les insultaient. « Place, place !» cria le seigneur de Audry en arrivant. « Suivez-moi à mon hôtel, mes enfants. Je vous ferai un si bel asile que tous ceux qui ont voulu vous faire du mal envieront votre place. » Il se mit à marcher fièrement devant eux pour imposer à la multitude assemblée, et les deux aveugles le suivirent au bruit de ses éperons qui résonnaient à chaque pas, car le sieur de Audry était un noble chevalier. Et bien qu'il eût plusieurs valets à sa suite, Pierrette ni Jean n'eurent besoin de leur secours et ne s'éloignèrent point de leur protecteur jusqu'à ce qu'ils fussent dans son hôtel. 8 jours après, le sieur de Audry les maria magnifiquement, et ce fut à l'occasion de cette aventure qu'il fonda dans sa maison un nouvel hospice d'aveugles qui subsista près de 2 siècles dans la rue qui porte encore le nom de rue des Vieilles Audriettes. C'était Les deux aveugles de 1525 par Frédéric Soulier.